C'est dur de mourir au printemps, mais au moins après il n'y en a plus. On doit tous atteindre le même port dans la mort, nous ne manquerons plus de rien. Et même si on est tous à bord, on n'a sûrement pas emprunté les mêmes chemins. Mais je regrette tellement de ne pas avoir ri, de ne pas avoir bu quand il en était encore temps. Mais je regrette tellement de ne pas l'avoir écrit, de ne pas l'avoir su que je t'aimais tant. Mais je regrette tellement de ne pas l'avoir écrit, de ne pas l'avoir.